moi Domenico de Raguse. La neige et le feu réunis, et d'un soldat de Syracuse, d'une bellissima d'Italie, moi Domenico de Raguse. Mes jours se terminent aujourd'hui près d'une femme des Abruzzes qui m'a fait un enfant chaque année de sa vie. Io Domenico, quand mon bateau franchissait la mer tyrrhénienne, un homme nouveau naissait sous la bannière américaine. Io Domenico, au plus profond de mes passions ou de mes haines, j'ai toujours juré fidélité à mes jeunes années. Io Domenico, ma pauvreté je l'ai jetée comme une eau sale. J'ai changé de peau, mais pas de sang, pas d'accent, pas d'étoile. À vous, mes garçons, je laisse mon nom, mon violon et mes cigales. Et cette chanson que vous chanterez à mon enterrement. Gira, giro tondo, gira come gira il mondo, nel mio cuore giro e lì e là. Io, Domenico, c'est moins que rien pour le tocsin du Val d'Amone. Rien qu'un Sicilien qui lui revient sans fleurs et sans couronne. Toi, Angelina, que j'ai choisi, qui m'a compris mieux que moi-même, je te dis merci, garde l'espoir, au revoir et je t'aime. Che bel gioco giro e lì o là. Gira, giro tondo, gira come gira il mondo, è un gioco che mai finirà. Gira, giro tondo, gira come gira il mondo, che bel gioco che vuoi lì, vuoi là. Gira, giro tondo, gira come gira il mondo, è un gioco che mai finirà.